Voici maintenant les quelques extraits que j'ai retenus dans ce siècle de Louis XIV. Pour situer le premier extrait, il faut savoir que Louis XIV vient de déclencher par surprise sa campagne de Hollande avec 130 000 soldats face à Guillaume d'Orange, gouverneur de Hollande, qui n'en avait que 25 000. Ce passage du Rhin est en général considéré par les historiens comme un modèle d'exactitude. 12 juin 1672. Toutes les places qui bordent le Rhin et l'Auvers-Issel se rendirent. Quelques gouverneurs envoyèrent leurs clés dès qu'ils virent seulement passer de loin un ou deux escadrons français. Plusieurs officiers s'enfuirent des villes où ils étaient en garnison avant que l'ennemi fût dans leur territoire. La consternation était générale. Le prince d'Orange n'avait point encore assez de troupes pour paraître en campagne. Toute la Hollande s'attendait à passer sous le joug dès que le roi Louis XIV serait au-delà du Rhin. Le prince d'Orange fit faire à la hâte des lignes au-delà de ce fleuve, et après les avoir faites, il connut l'impuissance de les garder. Il ne s'agissait plus que de savoir en quel endroit les Français voudraient faire un pont de bateau et de s'opposer, si on pouvait, à ce passage. En effet, l'intention du roi Louis XIV était de passer le fleuve sur un pont de ces petits bateaux inventés par Martinet. Des gens du pays informèrent alors le prince de Condé que la sécheresse de la saison avait formé un gué sur un bras du Rhin auprès d'une vieille tourelle qui sert de bureau de péage qu'on nomme Tol Huys, la maison du péage, dans laquelle il y avait 17 soldats. Le roi fit sonder ce gué par le comte de Guiche. Il n'y avait qu'environ 20 pas à nager au milieu de ce bras du fleuve, selon ce que dit dans ses lettres Pélisson, témoin oculaire, et ce que m'ont confirmé les habitants. Cet espace n'était rien, parce que plusieurs chevaux de front rompaient le fil de l'eau très peu rapide. L'abord était aisé. Il n'y avait de l'autre côté de l'eau que 400 à 500 cavaliers et de faibles régiments d'infanterie sans canon. L'artillerie française les foudroyait en flanc. Tandis que la maison du roi et les meilleures troupes de cavalerie passèrent, sans risque, au nombre d'environ 15 000 hommes, le prince de Condé les côtoyait dans un bateau de cuivre. À peine quelques cavaliers hollandais entrèrent dans la rivière pour faire semblant de combattre. Ils s'enfuirent, l'instant d'après, devant la multitude qui venait à eux. Leur infanterie mit aussitôt bas les armes et demanda la vie. On ne perdit dans le passage que le comte de Nogent et quelques cavaliers qui, s'étant écartés du gué, se noyèrent. Il n'y aurait eu personne de tué dans cette journée sans l'imprudence du jeune duc de Longueville. On dit qu'ayant la tête pleine de fumée du vin, il tira un coup de pistolet sur les ennemis qui lui demandaient la vie à genoux en leur criant « Point de quartier pour cette canaille !» Il tua du coup un de leurs officiers. L'infanterie hollandaise, désespérée, reprit à l'instant ses armes et fit une décharge dont le duc de Longueville fut tué. Un capitaine de cavalerie nommé Osembrouck, qui ne s'était point enfui avec les autres, court au prince de Condé, qui montait alors à cheval en sortant de la rivière, et lui appuie son pistolet à la tête. Le prince, par un mouvement, détourna le coup qui lui fracassa le poignet. Condé ne reçut jamais que cette blessure dans toutes ses campagnes. Les Français, irrités, firent main basse cette infanterie qui se mit à fuir de tous côtés. Louis XIV passa sur un pont de bateau avec l'infanterie après avoir dirigé lui-même toute la marche. Tel fut ce passage du Rhin, action éclatante et unique, célébrée alors comme un des grands événements qui dussent occuper la mémoire des hommes. Cet air de grandeur, dont le roi relevait toutes ses actions, le bonheur rapide de ses conquêtes, la splendeur de son règne, l'idolâtrie de ses courtisans, enfin, le goût que le peuple, et surtout les Parisiens, ont pour l'exagération, joint à l'ignorance de la guerre où l'on est dans l'oisiveté des grandes villes, tout cela fit regarder à Paris le passage du Rhin comme un prodige qu'on exagérait encore. L'opinion commune était que toute l'armée avait passé ce fleuve à la nage, en présence d'une armée retranchée et malgré l'artillerie d'une forteresse imprenable appelée Tholus. Il est très vrai que rien n'était plus imposant pour les ennemis que ce passage, et que, s'ils avaient eu un corps de bonnes troupes à l'autre bord, l'entreprise était très périlleuse.